ti machan. Lem di la vele, pa vil pike moun nan son nan. Lem di la vele, la polis pa bay baton. Sou pa vin vole a fe moun, mette me wale. Sou pa ke kat chapita, mette me wale. Sou pa vin leve moun, mette me wale. Sil ve bagay yo chanje. Kachap, kachap, kachap, kachap. Zel, zel maman Paypal, woy. C'est mon Tony Yoé. Savon kebe nan men, le an pa lave. Nou lave le an.